quand l'autre s'en va, tous les saxophones pleurent. Et nous, ça nous démolit le cœur. C'est bien peu de choses, juste un moment qui passe. El món de la música i el món de la companyia, sempre plegats i agafats de la mà, i aquest és el cas d'una nova edició del nostre espai. Hola la música, en Rafael Corbí, el programa dedicat a la música, cantada en francès. L'entrada del nostre programa, com aquesta temporada, amb Michel Verger i aquesta bona música que ens acompanya. Començarem immediatament, doncs, el programa del dia d'avui. Benvinguts i benvingudes. La bonne musique. Fa pocs programes, bé, de fet fa uns quants, vàrem tenir entre nosaltres la presència d'un artista anomenada Nicole Marchand. I han estat diversos els nostres oients que ens han demanat una mica més de música d'aquesta artista. Per tant, doncs, en el programa d'avui començarem escoltant alguna cançó més de la que llarguen de la seva discografia ens ha portat la Nicole Martin. Sembla que va fer efecte aquells temes que havíem escoltat en un dels nostres anteriors espais. Avui comencem amb aquest Salel, per exemple, el programa d'avui d'Hola la Música, i amb Nicole Martin. Devant La Nicole Merchant, recordem aquesta cantant que ens arribava amb el nostre programa des de Donnacona, al Canadà, on va néixer el 29 de setembre de 1949 i que va morir el 19 de febrer de 2019 a Montreal, també al Canadà, i que va editar àlbums com La primera nit d'amor, El còctel de Zerg i alguns altres que van ser realment magnífics. Avui escoltem peces del 2010, ens arribam amb Il Teu Nefoi, que ens aportava la seva música. En nom de l'amor també és una de les cançons de la Nicole Merchant. Espérant que s'ouvre la porte. Au nom de l'amour, combien de jours j'ai souhaité son retour, en criant que le diable l'emporte. Bonsoir tristesse, si je te fausse compagnie, ce soir si je trahis les gris, c'est parce que je repeins ma vie. Bonsoir tristesse, tout comme une toile de fond qui servirait d'inspiration, tu m'as donné le premier ton. Bonsoir tristesse, ne m'en veux pas si je me prends pour un artiste de talent qui veut croquer sa vie en grand. La roue tourne côté soleil, laisse-moi la suivre un moment, le temps de peindre mes rêves, mes couleurs de l'astre levant. La roue tourne côté soleil, j'aimerais t'embrasser ma vie, de ces tons qui n'ont de pareil que les teintes du paradis. Bonsoir tristesse, ce soir nos chemins se séparent et je m'en remets au hasard, dans l'espoir d'un nouveau départ. Bonsoir tristesse, bien sûr je ne t'oublierai pas, je sais bien que tu seras là lorsque je ferai un faux pas. Bonsoir tristesse, en attendant je vais tenter de colorer le monde entier d'éclats de rire et de gaieté. La roue tourne côté lumière, j'ai besoin de m'y aveugler, le soleil brûle mes paupières, incendie annonçant l'été. La roue tourne côté lumière et mon cœur vient de voir le jour, premier matin sur la terre, aux couleurs de nouvel amour. La roue tourne côté lumière et mon cœur vient de voir le jour, du premier matin sur la terre, aux couleurs de nouvel amour. La la la la la la la la la la la la la, et mon cœur vient de voir le jour. Rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie te lâche à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe. Si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité. Esteu escoltant Oulala Music. Ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Non, ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Non, ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Oui, c'est nous les grosses moulins. Et y'a de la weed, y'a du junk. Tu fonces dès toute la night. Et nanani, nanana, me raconte pas tes salades. C'est soit tu viens, soit tu tailles. On va pas parler de taille. Y'a des chèques et de la moulin. La petite est fraîche donc je l'ai mis de côté. Faut du bif pour la piloter. Elle s'enjaille toute la nuit. Elle claque tout ton ardoise. J'ai mis 30 bouteilles sur la table. Donc forcément elle me donne son snap. Que des moulins dans le cas. Je vais finir bourré. Tu t'es vu avec moi. Mais c'était qu'un rêve. Tellement de folle, tellement d'oseille. Depuis que je célèbre. La boîte ne m'appartient pas. Si je veux, je l'achète. Faut que tu coopères. Si tu veux pas, va pour ton Uber. Bé, ne reviens pas. Prends tes affaires, rentre chez toi. Non, ne reviens pas. Prends tes affaires, rentre chez toi. Bé, ne reviens pas. Prends tes affaires, rentre chez toi. Non, ne reviens pas. Prends tes affaires, rentre chez toi. Oui, c'est nous les grosses moulins. Et y'a de la weed, y'a du junk. Tu fonces dès toute la night. Et nanani, nanana, me raconte pas tes salades. C'est soit tu viens, soit tu tailles. On va pas parler de taille. Y'a des chèques et de la moulin. Est-ce l'enfoiré, tu me reconnais, je les connais, ils me connaissent les Gaulois. Les bouteilles de collal, violent comme Conan, Myriam ou Morgane. Je l'ai chargé en mégane, je repars en bécane. J'ai pris la russe et j'ai viré la gitane. Jamais en pagane, toujours en bénéf. Deux heures après, on retourne la capitale. Bébé, s'te plaît, reviens pas. Façon, j'ai déjà benda. Ça y est, tu reconnois. C'est le Che et la moula. La roula, les oula. Bébé, non, ne les écoute pas. Je les baisais, je suis coupable. Introuvable comme Sosa. Ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Non, ne reviens pas, prends tes affaires. Rentre chez toi, ben ne reviens pas. Prends tes affaires, rentre chez toi. Non, ne reviens pas. Prends tes affaires, rentre chez toi. Oui, c'est nous les grosses moulins. Et y'a de la weed, y'a du junk. Tu fonces dès toute la night. Et nanani, nanana, me raconte pas tes salades. C'est soit tu viens, soit tu tailles. On va pas parler de taille. Y'a des chèques et de la moulin. Oui, c'est nous les grosses moulins. Et y'a de la weed, y'a du junk. Tu fonces dès toute la night. Així hem canviat de ritme i hem canviat de música, Oulala Música, després de la Nicole Martin escoltant Gradur. Gradur és un personatge que ens acompanya pel seu èxit dins de les llistes i de les noves generacions de la música francesa. Òbviament, ja sabeu que estem en el món del rap. Wanani Grady Mariadi, més conegut com Gradur, és un rapper francès d'origen congolès de Rovó al nord. L'hem escoltat amb aquest tema Ne reviens pas, es diu la cançó que acabaves d'escoltar, però no és el seu únic èxit en dels darrers temps. La cançó que escoltarem ara es diu Dance Mavi. Et je me défonce la journée sur FIFA avec tous mes potos. Au lycée je prenais des heures de colle, aujourd'hui quand je change je prends des photos. Poto je fais le boulot comme Laurent, loin dans un jet j'ai laissé mes concurrents. Le mot pop est de retour pour 2016, va mettre tes rappeurs au courant. Oh oui mon train de vie a changé, loin d'être rangé de la bibi de Sanger. Et depuis que je passe à la télé certains me voient comme un étranger. Comme Talo je rêvais d'être footeux, aujourd'hui je suis rappeur les haineux, je m'en fous d'eux. Maman est fière de moi quand je la vois chanter Rosa, ça me rend heureux. Nouvelle Gova pour le daron, nouvelle maison pour la maman, nouvel album pour mes chégués. Nouveau gata pour mon bébé, nouveau sac à main pour ma chérie. Par où les groupies c'est fini, bientôt je me marie à la mairie. Dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. J'ai jamais su ce que je voulais vraiment faire dans ma vie. On fait du lourd toujours en léger, du bien pour apaiser mes péchés. J'accélère sur la roue du bœuf, je suis passé du BM au AMG. Parfois Miami, parfois Tanger, des fois quitter la street pour mieux se ranger. Et va dire aux ennemis, la réussite c'est le meilleur moyen de se venger. La galère on connaît, depuis tu peux en y abonner. Le chégué est mignon, la petite aussi. Arrête tes blabla, c'est ta jalousie. Gros jacuzzi, dernier Audi. Les haineux ne sont pas contents, Rafalo Uzi. Nouvelle Gova pour le daron, nouvelle maison pour la mama, nouvel album pour mes chégués. Nouveau gata pour mon bébé, nouveau sac à main pour ma chérie. Bah ouais les groupies c'est fini, bientôt je me marie à la mairie. Dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. J'ai jamais su ce que je voulais vraiment faire dans ma vie. Doncs així hem escoltat a Gradur, dos dels temes de més èxits a finals de 2019, principis de 2020, de la seva discografia, aquest Dance Mavi, i abans anirà a reviampar les dues cançons amb aquest format musical. Fa temps que no escoltem música d'aquesta protagonista que ens vindrà ara. L'havíem escoltat molt al principi dels nostres programes, però no havíem repassat el seu disc de 2012, On a Vorrir. És Caroline Costa, que ens porta també la seva música amb el nostre programa. Amb ell estarem una estona. Allez viens. La música d'aquesta jove intèrpret magnífica, m'ha encantat molt que la vaig escoltar la primera vegada i des d'aleshores he procurat de tant en tant anar escoltant un dels seus àlbums. En aquest cas, en marxem cap a aquest jogar i aquest àlbum que ens aportava amb el On a Bordir, que era del 2012, amb cançons que, com aquest que acabem d'escoltar, formaven part de l'àlbum, o com els temes més destacats que en varen sortir a nivell radiofònic d'aquest disc de la Caroline, d'aquesta jove nascuda el 9 de maig de 1996 a Mozac, a França. Escoltem-la també amb aquest programa d'avui. On a beau dire qu'avec le temps tout passé tout s'oublie, j'ai beau souffrir mais rien n'entache l'image que j'ai de lui. Je peux mourir, mais surtout pas qu'on dise que c'est fini. Laissez-moi rire, d'amour et de rêves aussi. Oh oh oh non, je l'aime. Oh oh oh non, si fort. Oh oh oh non, je saigne. S'ha de dir que de forma oficial només n'ha publicat un d'àlbum, aquest que també conté la majoria de les cançons que tenen aquest, però es van publicar en diferents llocs altres versions del disc, no en totes les cançons, perquè per exemple un dels seus grans èxits, la cançó T'he mentit, no va sortir amb aquest que nosaltres estem repassant, aquest en 2012. Hi havia també una sèrie de tracks, de bonus tracks que se'n diu, que es van incloure amb aquest àlbum, que es va vendre només per internet, va ser com una compilació amb la seva veu per aprofitar una mica la fama que tenia. Aquesta és una de les seves cançons més reconegudes, també l'escoltem avui a Hola la Música. j'irai graver ton nom dans le plus beau des diamants. J'irai chercher de l'encre d'or ou bien d'argent. Je bâtirai des grands palais comme les monts. Je deviendrai reine de la terre, des océans. J'irai crier ton nom de Rome jusqu'à Pékin. J'irai me battre contre une armée de fantassins. J'irai mourir à la porte de ta demeure si le ciel reprenait ton cœur. Sache que c'est toi que je veux dans ce monde-là. Il n'y en a pas deux. Sache que c'est toi que je veux. Le bon Dieu n'en a pas fait deux comme toi, ma mère. J'irai au bout du monde juste pour parler de toi. Je dirai aux empereurs que la richesse n'est rien, qui réunissent demain leurs armées et leurs rois. Nul n'aura l'amour que toi seul détiens. J'irai compter nos vies au Caire, au Calcutta, Madrid ou l'Amérique, icône tu deviendras. Et si tu l'es juste pour moi, ça me suffit. Juste pour m'avoir donné la vie. Sache que c'est toi que je veux dans ce monde-là. Il n'y en a pas deux. Sache que c'est toi que je veux. Le bon Dieu fait deux comme toi, ma així hem escoltat la seva música i així us acompanyo, com sempre, a través d'aquest, el nostre espai. Esteu escoltant Olala Music amb Rafael Corbí. Doncs sí, això és Olala Music amb en Rafael Corbí, un servidor de vostès, que esteu escoltant aquest espai. Espero que la música que estem triant sigui del vostre agrat i que continuï així després d'aquests temes de la Caroline. Passem a escoltar més música, però en aquest cas amb la cançó. La cançó que ens aporta, ni més ni menys, que els ja conegudíssims per nosaltres, les Enfoirés, que ens acompanyaran, l'Enfoiré, amb alguna de les cançons que formen part d'un altre dels seus àlbums, que avui també repassem.

que c'est dimanche et que c'est le printemps. Toi et moi, on s'en va regarder le soleil sur les branches. Puis parler de toi si tout change. Que ça range, il y aura des étés pour toi et pour moi, tu verras. Ça ressemble à un rêve d'enfant, on croit que c'est dimanche et que c'est le printemps. La radio donne enfin des nouvelles, nouvelles de nos pas. Enfin un peu de toi. Il s'est brûlé. délicieux. Et c'est brûlé les yeux. Et c'est brûlé les yeux. Això és, estem amb la música i al final del nostre programa. L'Enfogé, amb quatre temes que hem escoltat des del seu disc de 2003, que ens aportava música en directe, ja ho heu sentit. Així nosaltres hem tornat també amb una música recorrent amb el nostre espai i amb un altre dels àlbums publicats per aquesta magnífica banda, aquest nom, que és aquest reagrupament de músics des del 1986. Fa uns quants programes, vam acabar, uns quants, i són bastants, el nostre programa amb una cançó de M. Pokora. Pokora és un altre d'aquests cantants francesos que arriben de fora, en aquest cas d'origen polac. Són cançons que ens han arribat amb els darrers anys i la veritat és que continua tenint èxit rere èxit. Del 2020, de començament de 2020, m'acomiado avui a Hola la Música amb aquest Si te parla, aquesta cançó que ell ens porta en el dia d'avui. Salutacions de Rafael Corbí, fins la propera. J'en ai passé des nuits a rêver de nous, te raconter la vie comme on était fou. J'en ai chanté des mots, mais jamais pour toi. Ça sonnait faux, petit bout de moi. C'est comme un monde sans ciel, l'amour sans aile, un homme sans passion. C'est le vide à la maison. C'est comme un début sans fin, jamais prendre la main, avoir tout donné sans jamais rien gagner. Si t'es pas, si t'es pas là, si t'es pas, si t'es pas là, si t'es pas, si t'es pas là, si t'es pas, si t'es pas là. Petit dans mes bras, je veux pleurer d'amour et devenir fragile, trembler comme une feuille et vivre sur un fil. C'est comme un monde sans ciel, l'amour sans aile, un homme sans passion. C'est le vide à la maison. C'est comme un début sans fin, jamais prendre la main, avoir tout donné sans jamais rien gagné. Si t'es pas, si t'es pas là, si t'es pas, si t'es pas là, si t'es pas, si t'es pas là, si t'es pas, si t'es pas là. Si t'es pas, si t'es pas là, si t'es pas, si t'es pas là, si t'es pas, si t'es pas là, si t'es pas, si t'es pas là. Ah.